Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On commence, inshallah, bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 40 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan dans son charh de Kitab al-Tawhid qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Donc le cours 40 aujourd'hui, on est arrivé au chapitre 3 qui s'intitule Babun man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. C'est-à-dire celui qui a purifié son tawhid, hein, celui qui a purifié le tawhid, il entrera au paradis sans jugement. Et dans certaines narrations, si je ne me trompe pas, ou dans certaines versions de Kitab al-Tawhid, le titre est d'une autre façon, c'est-à-dire dakhala al-janna bighayri hisabin wa la adab. C'est-à-dire il rentrera au paradis sans jugement ni châtiment. Donc on va voir tout ce que ça signifie et on va commencer par mentionner les versets et les hadiths qui ont été mentionnés dans ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, puis ensuite on va commencer avec explication du titre et l'explication des détails qui ont rapport avec ce chapitre. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit قول الله تعالى وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لضغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر ف فقال ادع الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة. Donc ça c'est les versets et les hadiths. Maintenant on va traduire ça, qu'est-ce qu'on vient de lire, d'accord? Et c'est en premier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 120 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: certes Abraham était un modèle obéissant à Allah, hanif, un hanif, c'est-à-dire quelqu'un qui était tourné exclusivement vers Allah et qui se détournait complètement des idoles et de ce qui est adoré en dehors d'Allah, et il n'était pas du nombre des mushrikin. Et le verset 59 dans sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَهُمْ, il dit وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, ce qui signifie et ceux qui ne font pas de shirk avec leur Seigneur, c'est-à-dire ils ne donnent pas à leur Seigneur de partenaire dans l'adoration et ils ne font pas de shirk, hein, ils n'associent pas leur Seigneur avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ensuite il cite le hadith qui est rapporté selon Hussein ibn Abdurrahman, il dit j'étais chez Saïd ibn Jubayr, et il a dit: lequel d'entre vous a vu l'étoile qui est tombée la nuit passée? Alors je dis, hein, c'est-à-dire Hussein ibn Abdurrahman, il dit, il a dit moi je l'ai vu. Alors Saïd ibn Jubayr, Saïd ibn Jubayr a dit: lequel d'entre vous a vu l'étoile qui est tombée la nuit passée? Et Hussein il répond, il a dit: moi je l'ai vu. Puis après il s'est repris, il a dit: je n'étais pas en train de faire la salat, mais j'ai été mordu par un animal, soit un scorpion ou un serpent, hein, j'ai été mordu par un animal, donc à cause de la douleur, de la fièvre, je ne pouvais pas dormir. Alors il dit: j'ai vu l'étoile qui est tombée, hein, hier soir, mais c'est pas parce que j'étais en train de faire la salat que je l'ai vu, ou que je veillais la nuit en train de faire des actes d'adoration. Plutôt j'ai été mordu par un animal, par une bête, et à cause de ça je pouvais pas dormir. Alors Saïd ibn Jubayr il lui dit: qu'est-ce que tu as fait alors? Alors Hussein il dit: je me suis fait ruqya à moi-même. Alors il a dit: et qu'est-ce qui t'a porté à faire ce genre de choses? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors il répond, Hussein il répond, il dit: un hadith qui nous a été mentionné par Al-Sha'bi, un des ulamas de hadith. Et il dit, Saïd ibn Jubayr, qu'est-ce qu'il vous a donné comme hadith? Hein, c'était quoi le hadith? Alors il dit, il nous a rapporté selon Buraïda ibn al-Husayb que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de ruqya excepté pour un mauvais œil ou pour une fièvre, ou bien une fièvre, ou bien le fait que quelqu'un soit mordu par un animal comme ça, ça lui cause de la fièvre aussi, donc c'est dans ce sens-là, tu vois, soit de mauvais œil ou bien de la fièvre. Alors Saïd ibn Jubayr il a répondu, il a dit: c'est-à-dire celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, il a bien agi, il a bien fait. C'est-à-dire que dans la religion, quand on fait des actes qui ont rapport avec l'adoration, il faut s'arrêter à ce qui est basé sur ce qu'on a entendu des preuves de la charia. Donc il a dit: celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, il a bien agi. Mais Ibn Abbas nous a rapporté, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a présenté toutes les nations, hein, les nations m'ont été présentées, et j'ai vu des prophètes qui sont venus qui avaient avec eux un petit nombre de personnes, hein, une dizaine de personnes par exemple, et d'autres, j'ai vu un autre prophète et avec lui il y avait un ou deux personnes seulement. Et il dit, et j'ai vu un prophète arriver, il n'avait personne avec lui. Personne du tout l'avait suivi. Et il dit, et voilà que j'ai levé la tête et j'ai vu une masse noire, hein, une immense foule. Une immense foule. Et j'ai cru que c'était ma Ummah. Il a dit, j'ai cru que c'était ma Ummah. Et on m'a dit, voilà Moussa et son peuple. On m'a dit, voilà Moussa et son peuple. Alors il dit, et je regardais encore, et voilà que je vis une immense masse noire encore une fois, une immense foule. Et on m'a dit, voici ta Ummah. On m'a dit, voici ta Ummah. Et on lui a dit, et avec eux, il y a 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Alors, il s'est levé et il est rentré chez lui. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de raconter cette histoire à ses compagnons. Puis, il s'est levé, puis il est rentré dans sa maison. Alors, les gens qui sont restés, ils ont commencé à discuter entre eux et essayer de deviner ou de comprendre de qui il s'agissait. C'est-à-dire, de qui sont ces 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Alors, certains d'entre eux ont dit probablement que ce sont ceux qui ont été les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit probablement que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam, hein, et qui n'ont jamais fait de shirk avec Allah. Et ils ont mentionné d'autres choses également. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti vers eux, hein, et il leur a informé. Il leur a donné l'information à propos des 70 000, qui ils sont. Et il leur a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya. Ce sont ceux qui ne demandent pas aux autres de leur faire la ruqya. Ce sont ceux qui ne font pas at-tatayyur, la yatatayyarun, c'est-à-dire ils ne croient pas aux mauvais présages et aux superstitions. Hein? At-tatayyur, c'est les superstitions, les mauvais présages et les choses comme ça. Eux, ils ne croient pas en ça. Wala yaktawun, c'est-à-dire ils ne vont pas avoir recours à la ça s'appelle en français la thésauration ou quelque chose comme ça. Al-kawi, na'am, al-kay, on appelle ça al-kay. Wala yaktawun. Là, j'ai mentionné trois. Mais c'est-à-dire que ce hadith-là, on va l'expliquer et on va mentionner les explications à propos de chaque point. Et le cheikh, il va décortiquer le hadith du début jusqu'à la fin et expliquer mot par mot presque qu'est-ce que ça signifie. Donc, on va tout comprendre ça, inshallah. Donc, j'essaie juste de... Oui, c'est ça. Je pense que le verbe c'est cautériser. Cautériser, ça veut dire brûler une plaie superficiellement pour prévenir une infection. Bon, ça c'est une signification, mais c'est pas exactement ça la cautérisation. C'est pas nécessairement pour stopper un saignement dans le sens que nous on l'utilise ici dans ce contexte-là. Ouais, donc c'est ça, c'est pas exactement ça le terme, ou bien c'est la signification que j'ai lue, là, la définition, c'est pas exactement ça. Al-kawi ou al-kay, c'est un genre de fer chaud, hein, qui brûle à certains endroits. Et ça fait partie de la médecine traditionnelle que les Arabes utilisaient pour guérir certains malaises ou certaines maladies. Et ça consiste à brûler à certains points précis. Hein? Donc, je ne dirais pas que c'est comme l'acupuncture. C'est pas comme les points d'acupuncture, mais c'est quelque chose qui a rapport aussi avec la chaleur, le fait de brûler à certains points. Et les gens qui pratiquent cette médecine-là, eux, ils connaissent les endroits où il faut appliquer le fer et comment le faire comme il faut. C'est comme ils appellent ça en arabe, at-tibb ash-sha'bi, la médecine traditionnelle. Ok, donc ici, donc le cheikh il mentionne que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ces choses-là. Ça, c'est les trois premières choses. Il ne demande pas la ruqya aux gens. Il ne croit pas aux mauvais présages. Ils n'ont pas recours au fer chaud pour guérir les maladies. Et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Alors, à ce moment-là, Ukashat ibn Mihsan, il s'est levé. Hein, et il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois un d'entre eux. Hein? Demande à Allah de faire en sorte que je sois un d'entre eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es un d'entre eux. Puis un autre homme s'est levé tout de suite après et il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois moi aussi un d'entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sabaqaka biha ukasha, c'est-à-dire ukasha t'a devancé. Hein? Et le cheikh il dit, donc il explique maintenant le chapitre et l'introduction par rapport à ce hadith. Il dit, et par rapport au chapitre plutôt, il dit bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab. Qawluhu bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab ay ولا عذاب كما في الحديث وتحقيقه تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب فمن كان كذلك فقد حقق التوحيد وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة المخلصين إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين. Donc il y a les deux, avec la fatha et avec la kasra. Mukhlis et mukhlas. وَهُمْ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَثِيرُونَ وَفِي آخِرِهَا هُمُ الْغُرَبَاءُ وَقَدْ قَلُّوا وَهُمُ الْأَعْظَمُونَ قَدْرًا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc on va s'arrêter à ça, puis on va lire les explications de Cheikh Al-Fawzan après. Donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il commence donc en mentionnant le titre, le chapitre de celui qui a purifier son tawhid, il entrera au paradis sans jugement, et c'est-à-dire sans châtiment aussi, comme c'est mentionné dans le hadith. Et la signification de ça, qu'est-ce que ça signifie de comme le cheikh il mentionne dans le titre, haqqaqa at-tawhid. Ma ma'na tahqiq at-tawhid. Qu'est-ce que ça veut dire de faire le tahqiq de son tawhid? Eh bien, il donne la définition. Il dit « huwa tasfiyatuhu wa takhlisuhu ». C'est-à-dire, il s'agit de le purifier, hein, de le nettoyer et de le purifier de toute trace de shirk et de bid'a et de persistance à faire un péché. C'est ça la signification de tahqiq at-tawhid. Hein? Donc c'est-à-dire ça signifie de purifier le tawhid de tout ce qui pourrait le détruire ou l'affaiblir ou le diminuer dans sa pureté. Hein? Donc tout ce qui est shirk, tout ce qui est bid'a, tout ce qui est péché, de persister à faire des péchés, que ce soit des kaba'ir ou des petits péchés mais qu'on persiste à faire, hein, tu te débarrasses de ça pour purifier ton tawhid. Et donc il dit, celui qui a réussi à faire ça, eh bien حَقَّقَ تَوْحِيدَهُ. Il a purifié son tawhid, il a concrétisé et réalisé son tawhid. Et il dit que le tahqiq du tawhid, le fait de purifier son tawhid, c'est quelque chose qui est rare dans cette ummah. C'est-à-dire, c'est pas facile, c'est pas un degré ou c'est pas quelque chose qui est facile à tout le monde. C'est quelque chose que seuls peu d'entre les serviteurs et peu d'entre les musulmans sont capables de réaliser réellement. Azizun, ça veut dire rare ici dans ce contexte-là. Et il dit la yujadu illa fi ahli al-iman al-khullas. C'est-à-dire, tu peux pas trouver ça, quelqu'un qui fait le tahqiq du tawhid, tu peux pas le trouver excepté chez les purs, et les rares parmi les gens de la foi que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a purifié parmi ses créatures. Et il donne l'exemple par rapport à ça, le verset 24 dans sourate Yusuf. Le verset 24 dans sourate Yusuf alayhi salam, lorsqu'il dit c'est ainsi que nous avons voulu le détourner de tout mal et de toute turpitude. Certes, il était parmi nos serviteurs sincères et purs, ou parmi nos serviteurs choisis. Et donc, il y a les deux récitations, Mukhlas et Mukhlis. Et on va expliquer la nuance ou la signification de ces deux récitations-là. Et donc, il dit, au début de la Umma, il y en avait beaucoup. Ils étaient nombreux. C'est comme on voit dans Surat Al-Waqi'ah. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. C'est-à-dire, ils sont nombreux parmi les premiers. As-sabiqoun, ils sont nombreux parmi les premiers, mais ils sont peu parmi les gens qui viennent après. Il dit wa fi akhiriha humul ghuraba. Et à la fin de la umma, ils sont les étrangers, ils sont ceux qui sont les ghuraba. Wa qad qallu, c'est-à-dire ils sont devenus très peu nombreux. Wa humul a'zamuna qadran 'inda Allah. Et ce sont eux qui pour Allah ont le plus grand respect et le plus grand degré. C'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala considère comme étant les plus grands et les plus importants de ses serviteurs. Donc on va continuer cette explication là, mais avant ça on va lire les détails de Cheikh Al-Fawzan qui va élaborer un peu plus sur ces points là. Il dit donc babun ay hadha babun mubtada wa khabar man haqqaqa at-tawhid هذا مبتدا ثاني وخبره دخل الجنة بغير حساب والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الذي قبله باب في فضل التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب في الموحد يكون عنده ذنوب ومعاصي ومخالفات دون الشرك وقد يكون عنده بدع ومحدثات فهذا قد يحاسب ويعذب عليها ولكنه يسلم من الخلود في النار وقد يأمن من دخولها أيضا إذا شاء الله عز وجل أما هذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أي أنه بتحقيقه للتوحيد يدخل الجنة من أول وهلة وهذا أعلى وهو مرقى صعب لا يصل إليه إلا السابقون والمقربون. Donc le cheikh il dit que bab, il dit ça c'est le mubtada, et le khabar de ce mubtada c'est man haqqaqa at-tawhid. Babun ou babu man haqqaqa at-tawhid wa hadha mubtada thani man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna. دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Ça c'est le khabar du deuxième mubtada. Ça c'est des choses qui ont rapport avec la grammaire. Après il dit الفرق والفرق بين هذا الباب والذي قبله. C'est quoi la différence entre ce chapitre et le chapitre précédent? Eh bien le cheikh il explique, et ça c'est une des choses que j'aime beaucoup parmi les explications de Cheikh Al-Fawzan, quand il explique Kitab al-Tawhid, il donne toujours la différence ou le lien, le rapport entre le chapitre précédent et le suivant, et la raison du chapitre en lui-même, pourquoi il a été placé à cet endroit-là et de cette façon-là, et c'est quoi sa signification. Donc, le fait de comprendre ça, ça nous aide à comprendre la méthodologie de l'auteur du livre et c'était quoi sa sagesse dans la façon dont il a organisé son livre et comment il l'a écrit. Hein? Parce que le cheikh, il a calculé tout. Quand il a écrit son livre, il l'a écrit d'une façon et dans un ordre spécifique et il a une raison derrière ça. Il a une sagesse derrière ça. Et de comprendre cette sagesse, eh bien, ça t'aide à comprendre justement le sens du livre et son sujet. Et ça, c'est des choses que si tu ne l'as pas étudié avec les ulama, tu ne peux pas le savoir. Tu vas lire Kitab al-Tawhid du début jusqu'à la fin et tu vas passer par-dessus ces choses-là. Tu ne vas pas vraiment en tenir compte ou le réaliser ou le comprendre. D'accord ? Donc ça, c'est pourquoi les ulama, ils disent tout le temps que la manière dont on doit étudier les livres, on ne doit pas essayer de les lire tout seul et de les comprendre soi-même, parce que si on fait ça, on en sort avec très peu de bienfaits. Même si on va apprendre des choses, oui, il n'y a pas de doute, mais on ne va pas sortir avec le profit ou le bienfait total et complet de la lecture de ces livres-là. Tandis que si on les étudie avec les ulama et qu'on lit et qu'on entend leurs explications de ça, eh bien, ça nous donne une compréhension beaucoup plus complète et globale. Donc, le cheikh, il explique ici que la différence entre le chapitre en question et le chapitre précédent, c'est que le chapitre précédent, il parlait du mérite du tawhid et ce qu'il explique comme péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman qui est sur le tawhid, c'est possible qu'il ait des péchés. C'est possible qu'il ait des désobéissances. C'est possible qu'il ait commis des choses qui soient en contradiction avec l'islam, des innovations ou des choses comme ça, et qui soient moindres que le shirk. Donc peut-être qu'il aura des bid'ahs, des choses inventées dans la religion ou des choses comme ça, mais qui n'atteignent pas le degré du shirk majeur. Et ça veut dire qu'il va être jugé, il peut être jugé et châtié pour ces péchés-là. Mais il va être exempté de demeurer éternellement en enfer. Et il va être également épargné et protégé de rentrer en enfer parfois aussi. C'est-à-dire que c'est possible qu'il soit épargné de rentrer, de rester éternellement. Donc s'il est mort sur le tawhid, il va être protégé de rester éternellement en enfer. Et c'est possible également qu'il soit même protégé de rentrer en enfer si Allah le veut et que Allah lui pardonne ses péchés et qu'il ne le fasse pas du tout rentrer en enfer. Donc c'est soit qu'il rentre au paradis direct ou soit qu'il va entrer en enfer pour un certain temps, mais il ne va pas rester en enfer éternellement. C'est ça que ça veut dire le chapitre précédent, le chapitre qu'on a lu précédemment. Tandis que le chapitre qu'on est en train de lire maintenant, eh bien, ça parle de celui qui a purifié son tawhid et que lui, il va rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Donc, ça veut dire qu'en purifiant son tawhid, il entre au paradis directement, du premier coup. Et ça, c'est un degré plus élevé encore que le chapitre précédent. Parce que le chapitre précédent nous parle du musulman qui est sur le tawhid, mais qui commet des péchés, des innovations et des désobéissances. Tandis que ce chapitre, il nous parle du musulman qui est un degré encore plus élevé dans son tawhid, parce que lui, il s'est écarté des désobéissances, des péchés, des bid'ahs et de tout ce qui peut affaiblir son tawhid. Donc son tawhid, il est pur. Lui, il entre au paradis sans jugement ni châtiment. Ensuite, il parle au sujet de la signification du tahqiq, le fait de purifier le tawhid. Et il dit, le cheikh, tahqiquhu, hein, cheikh al-Fawzan, il dit, tahqiquhu, takhlisuhu, wa tasfiyatuhu, min shawa'ib al-shirk al-akbar wal-asghar. J'ai lu dans plusieurs charhs de Kitab al-Tawhid, peut-être 6 ou 7 charhs différents, et ils ont tous expliqué, les ulama, le tahqiq du tawhid comme étant le fait de le purifier et de le nettoyer du shirk. Et c'est-à-dire, pour être plus précis, de nettoyer le shirk, nettoyer le tawhid et le purifier de toute trace de shirk majeur ou mineur ou de toute forme de bid'ah, c'est-à-dire yani les adorations au sujet desquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve. Il n'y a aucune preuve au sujet de ces choses-là, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du messager. Donc je vais le lire en arabe, après je vais continuer la traduction. تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع وهي العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الإصرار على الذنوب ولم يقل من الذنوب لأن الإنسان بشر وقد يقع في الذنوب ولكنه لا يصر عليها بل يتوب منها فليلقى الله وهو تائب من جميع الذنوب وهذا هو الذي حقق التوحيد وهذا مقام رفيع لا يناله إلا المقربون والسابقون في هذه الأمة. Donc le cheikh il dit, le fait de purifier le tawhid, hein, le tahqiq du tawhid, c'est de le purifier de toute trace de shirk majeur ou mineur, de toute innovation qui sont le fait d'adorer Allah sans aucune preuve, hein, en adorant Allah par des choses au sujet desquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve, hein, que ce soit du Coran ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et également de purifier le tawhid de toute persistance à commettre un péché. Et le cheikh il spécifie ici, il dit, et il n'a pas dit de purifier le tawhid du péché. Il dit parce que l'être humain, l'homme c'est un être humain de toute façon, et c'est normal qu'il commette des péchés. Il va commettre des péchés. Mais il ne va pas persister à les faire. Il va s'en repentir. Et quand il va rencontrer Allah, eh bien, il va rencontrer Allah alors qu'il était repentant de tous ses péchés. Et c'est celui-là qui a concrétisé et purifié son tawhid. Et ça, c'est un degré et un statut très élevé que seuls les rapprochés et les premiers de cette umma, les croyants qui ont devancé les autres, vont atteindre. Donc ici, le cheikh, il mentionne un point important, c'est que les gens qui ont réalisé ou qui ont purifié leur tawhid, c'est pas ceux qui n'ont pas commis de péché du tout. Hein? Parce que, comme le cheikh, il le dit, tout le monde commet des péchés. Mais la différence, c'est qu'ils se sont repentis lorsqu'ils ont commis le péché. Ils n'ont pas continué à le faire de façon constante. Ils sont morts en étant repentants de leur péché. Tandis que le chapitre précédent, eh bien, c'est au sujet de ceux qui sont morts sans se repentir de leur péché, qui sont moindres que le shirk. Donc, vous voyez la différence, hein? Ça, la différence. Le chapitre précédent, on parlait de ceux qui sont morts sans se repentir de leurs péchés, qui sont moindres que le shirk. C'est pour ça Allah il dit dans le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah certes ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Ça c'est à propos de celui qui meurt sans se repentir. D'accord? Tandis que ici, on parle de ceux qui, lorsqu'ils ont commis des péchés, ils s'en sont repentis. Et ils sont morts repentants de tous leurs péchés. Donc, eux, ils vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Mais ces gens-là sont extrêmement rares. Et bien entendu, le musulman, il devrait toujours essayer de viser ce niveau-là. Hein? Parce que ça, c'est l'idéal pour le croyant, d'essayer d'atteindre le niveau et le degré le plus élevé possible dans la foi et dans la religion. Hein? Et demander à Allah de l'aider à atteindre ce degré-là, hein, et ce bien-là. Parce que, bien entendu, on ne peut pas l'atteindre sans l'aide d'Allah. C'est impossible. si Allah ne nous aide pas, on ne peut pas l'atteindre. Ensuite, donc, le cheikh, il explique le point, un autre point par rapport à la définition de tahqiq tawhid. Il dit donc que c'est celui qui s'est débarrassé de toute trace de shirk, de bid'a et de persister à faire des péchés. Et celui qui fait ça, il a purifié son tawhid, il a concrétisé son tawhid. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, man kana kadhalika khallasa at-tawhid wa saffahu min jami' anwa' ash-shirk wa tajannaba al-bid'a wa taba min adh-dhunub wa laqiya Allah laysa 'indahu dhanb, hadha huwa alladhi haqqaqa at-tawhid. Donc celui qui a purifié son tawhid de toute forme de shirk et de toutes sortes de shirk et des différentes bid'a et qui s'est repenti de ses péchés et qui rencontre Allah sans qu'il ait aucun péché avec lui, et bien celui-là, c'est lui qui a concrétisé et réalisé la pureté de son tawhid. Ensuite, il parle à propos des prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les versets que le cheikh a cités, comme l'exemple de Yusuf alayhi salam. Il dit هذا لا يناله إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ويناله السابقون من أتباعهم ويوسف عليه السلام من الأنبياء ولما عرضت عليه ولما عرضت له الفتنة وتجملت له المرأة وراودته عن نفسه حماه الله من حماه الله عز وجل من الوقوع في الفاحشة لماذا؟ لأنه من عباده المخلصين وفي قراءة المخلصين وهذا هو السبب فحماه الله بالإخلاص وهذا هو تحقيق التوحيد. نعم. Donc le cheikh il dit que l'exemple qui est mentionné dans les versets, c'est ainsi que nous l'avons détourné de tout mal et de toute turpitude, du zina et des péchés, comme la femme de Aziz, là où Yusuf alayhi salam était. Elle voulait le séduire. Elle voulait le séduire. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a raffermi et l'a préservé, l'a protégé de ses ruses et de ses charmes, et a fait en sorte qu'il soit capable de résister à ses charmes et à sa séduction. Donc il n'a pas été faible, il n'a pas succombé au désir ou à la tentation, et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifié et l'a choisi, et donc il était parmi les serviteurs d'Allah purs, parmi les serviteurs d'Allah qui avaient al-ikhlas ou qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il dit, c'est le cheikh, il dit ça, c'est les prophètes qui atteignent ces degrés là ou les messagers alayhi salatu wassalam. De même que les gens qui ont dépasser les autres ou devancer les autres parmi les fidèles qui ont suivi les prophètes et les messagers. Donc c'est eux qu'on retrouve qui font partie de ce degré-là ou de cette catégorie-là. Et l'exemple de Yusuf alayhi salam, lui, il fait partie des prophètes, et lorsque la tentation lui a été présentée, il a été éprouvé par cette tentation, et que la femme elle s'est embellie et enjolivée pour lui, et qu'elle a essayé de le séduire, Allah l'a protégé de tomber dans la turpitude. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des serviteurs choisis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans une autre récitation, il faisait partie des serviteurs purs et sincères. Yani. Donc, on avait dit que c'était le verset 24 dans Surat Yusuf. Donc si on retourne à cette sourate, C'est la sourate 11, non pas 11, 12, oui, sourate 12, le verset 24. Donc, c'est la femme de Aziz, rawadathu, allati huwa fi baytiha an nafsihi, wa ghallaqat al-abwab, wa qalat hayta lak. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Donc on voit comment il a cherché le refuge en Allah, hein, et il a demandé que Allah le préserve. معاذ الله, معاذ الله, hein, il cherche refuge en lui. Donc hein, c'est lorsque or celle qui l'avait reçue dans sa maison essaya de le séduire, et elle ferma bien les portes et dit: viens, hein, je suis prête pour toi. Et il dit: qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile, vraiment les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira, hein. Donc c'est pour dire comment il a été préservé par Allah. Il dit, et dans le verset, il dit: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآهُ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Donc il dit, et il la désira, et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Et ici ensuite il dit: ainsi avons-nous agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes de nos serviteurs élus, choisis. Donc la différence entre mukhlas et mukhlis, hein, c'est ça. Mukhlas, c'est la forme du verbe maf'oul. Hein, mukhlas, c'est la forme du verbe qui est maf'oul. Tandis que la mukhlis, c'est la forme du verbe fa'il. Innahu min ibadina al-mukhlasin ou al-mukhlisin. Donc, mukhlas, c'est al-maf'oul, celui qui a subi l'action. Ça veut dire, c'est lui qui est choisi par Allah, qui est élu. Allah l'a choisi. Tandis que mukhlis, c'est le fa'il. C'est-à-dire, c'est lui qui fait l'action. C'est-à-dire, c'est lui qui a purifié hein, sa foi, sa religion, son tawhid, son adoration pour Allah seul. Donc, les deux sens, c'est dans ce sens-là. Hein. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de la turpitude et de tomber dans le péché? C'est parce que il fait partie des serviteurs choisis d'Allah, hein? Donc ça c'est la cause. Et aussi Allah l'a préservé à cause de son ikhlas, parce que dans l'autre récitation al-mukhlisin, hein, ça veut dire son ikhlas, à cause de sa sincérité et de sa pureté dans son tawhid. Donc c'est ça en fait le sens de purifier le tawhid. Et il dit ensuite: وفي نعم وهم في صدر هذه الأمة كثيرون وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا وهم الأعظمون قدرا عند الله. Donc le cheikh il dit, au début de cette umma ils sont nombreux, hein? Tandis que à la fin ce sont eux qui sont les ghuraba, les étrangers, et eux ils sont peu. Et c'est eux qui ont le plus grand degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande valeur auprès d'Allah. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit: الَّذِينَ حَقَّقُوا التَّوْحِيدِ فِي صَدْرِ الْأُمَّةِ كَثِيرُونَ لَكِنْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَكُونُونَ قَلِيلًا وَغُرَبًا مُطَّهَضِينَ وَمُحْتَقَرِينَ فِي النَّاسِ هَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ كما قال الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit, ceux qui ont réalisé et purifié leur tawhid au début de cette umma sont nombreux, mais à la fin des temps, ils seront peu nombreux et ils seront étrangers, persécutés et méprisés par les gens. Et ceux-là sont les gens de ce degré. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Waqi'ah, le verset 13 et 14, ils sont peu parmi les premiers et peu parmi les derniers. Thullatum min al-awwalin. Non, c'est ça, ils sont nombreux parmi les premiers et peu parmi les derniers. Naam. Ensuite, il dit wa qala ta'ala an khalilihi alayhi salam ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-arda hanifan wama ana min al-mushrikin ay akhlastu dini wa afradtu ibadati للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال وما أنا من المشركين ونظير هذه الآية في القرآن كثير كقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Donc on va expliquer qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant, point par point. Bon, on va traduire en premier, après on va expliquer point par point les différentes choses. Le Cheikh, il mentionne ensuite l'exemple de Ibrahim. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il dit, et également Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de son Khalil, de son bien-aimé, Ibrahim alayhi salam, ô mon peuple, je me désavoue de tout ce que vous associez avec Allah, hein, de tout ce par quoi vous faites du shirk, et je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre en étant un hanif, c'est-à-dire en penchant vers le tawhid et en m'écartant du shirk, et je ne suis point du nombre des mushrikin, je ne suis point du monde de ceux qui du nombre de ceux qui font le shirk avec Allah. Et il dit, c'est-à-dire j'ai purifié ma religion et j'ai rendu mon adoration exclusive à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il les a créés tous les deux à partir de rien et sans aucun modèle précédent, en étant hanif, c'est-à-dire en étant dans la situation d'un hanif, c'est-à-dire celui qui a penché vers le tawhid, hein, ou qui s'est penché du sens contraire du shirk et qui s'est penché vers le tawhid. Et c'est pour ça qu'il dit par la suite « Wama ana min al-mushrikin » « Je ne suis point du nombre des gens qui font le shirk avec Allah. » Donc, pardon, pour expliquer la signification de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le Cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, les différents points qui ont été mentionnés ici, en premier par rapport à Ibrahim alayhi salam, et donc le Cheikh, il dit wa hadha huwa tahqiq at-tawhid al-bara'atu min ash-shirk inni bari'un mimma tushrikun wal ikhlasu lillah إني وجهت وجهي أي نيتي وقصدي وعملي لله للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مقبلا على الله معرضا عن ما سواه مهما كلف الأمر وما أنا من المشركين يعني أنا بريء من المشركين. Donc Ça, c'est un exemple de la purification du tawhid, le fait de se désavouer du shirk. Quand il dit « Je me désavoue de ce que vous associez avec Allah » ou de ce que vous faites comme shirk vis-à-vis d'Allah. Donc ça, c'est l'exemple du désaveu vis-à-vis du shirk dans la parole d'Ibrahim alayhi salam. Dans les versets 78 et 79 dans Surat Al-An'am, il commence en disant « Inni bari'um mimma tushrikun » « Je me désavoue de tout ce que vous faites comme shirk. » Et ça implique le désaveu du shirk. Ensuite, « Al-ikhlas lillah » c'est-à-dire la purification de l'adoration pour Allah seul. Et ça, c'est lorsqu'il dit wajjahtu wajhiya inni wajjahtu wajhi, c'est-à-dire j'ai tourné mon visage exclusivement. Et ça implique le fait qu'il a purifié son intention, son objectif et son œuvre pour Allah seul. Celui qui a créé les cieux et la terre, et je fais cela en étant un hanif, c'est-à-dire en me tournant exclusivement vers Allah et en me détournant de tout ce qui est adoré en dehors de lui, peu importe ce que cela me demande comme effort. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, c'est-à-dire et je ne suis point du nombre des mushrikines, je ne suis point du nombre de ceux qui font le shirk, donc je me désavoue des mushrikines. Et le cheikh il dit ensuite inni bari, bon, il explique la suite lorsque le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il mentionne l'explication de ce verset, de ces deux versets là dans la parole d'Ibrahim, wa ma ana min al mushrikin, je ne suis point du nombre des mushrikin, c'est-à-dire j'ai purifié ma religion et j'ai rendu mon adoration pour Allah exclusive. Cheikh Al-Fawzan il dit inni bari'un mimma tushrikun ja'a biha fi awwal al-kalam thumma a'ada al-bara'a min ash-shirk fi akhirih wa ma ana min al-mushrikin ta'kidan laha wa hadha min tahqiq at-tawhid al-bara'atu min al-mushrikin amma alladhi la yatabarra' min al-mushrikin hadha lam yukhlis at-tawhid lillah 'azza wa jalla والتبرء منهم يكون بالابتعاد عنهم ومعاداتهم. Donc le cheikh il explique ici que dans les versets 78 et 79 dans sourate Al-An'am, on voit que dans les paroles de Ibrahim alayhi salam, il commence par le désaveu et il termine par le désaveu. Il dit Ya qawmi inni bari'um mimma tushrikun. Et à la fin, il dit wa ma ana min al-mushrikin. Donc il commence en se désavouant au début de sa parole, il se désavoue des mushrikin et il répète encore une fois ce désaveu du shirk et des mushrikin à la fin de sa parole pour confirmer cette signification là. Et ça c'est ce qui implique la purification du tawhid, le fait de se désavouer des mushrikin. Donc c'est pas suffisant juste de ne pas commettre le shirk, mais il faut se désavouer des mushrikin et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et celui qui ne s'est pas désavoué des mushrikin, eh bien ça veut dire qu'il n'a pas purifié son tawhid pour Allah. Il ne s'est pas désavoué d'eux. Wa tabarru minhum yakunu bil ibtida'i anhum wa mu'adatihim. Et le fait de se désavouer d'eux, ça implique quoi? Ça implique de s'éloigner d'eux et de s'éloigner de ce qu'ils adorent et de les prendre en animosité. C'est-à-dire d'avoir de l'animosité envers eux à cause de leur shirk, à cause de leur idolâtrie. Et ça rentre dans les fondements, Celui qui a pas d'animosité envers les mushrikin, dans le sens qu'il les aime de la même manière qu'il aime les gens sur le tawhid, donc il y a un problème dans son Donc le cheikh il dit ensuite نعم الذي خلق فطر السماوات والأرض. Donc celui qui a créé les cieux et la terre. Fatara en arabe, hein, ça veut dire celui qui a créé à partir de rien. فاطر السماوات والأرض. Donc celui qui a créé à partir de rien. Et ici le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit وهو الله فطر يعني خلق والفطر هو إيجاد الشيء من غير مثال سابق فالله خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق بل ابتدعها سبحانه يعني بديع السماوات أي ابتدعها من غير أن يسبق لها أو من غير أن يسبق لها نذير بقدرته سبحانه وتعالى وفطرها أي خلقها ابتداء. وهذا الفطر في اللغة يقول العربي هذه بئري فطرتها بيدي يعني أنا حفرتها ولم يسبق أن حفرها ولم يعني يسبق أن حفرها غيري أو ولم يسبق أن حفرها غيري. Donc le cheikh il explique que Allah il a créé, et le verbe qu'il a employé pour dire créer c'est le verbe fatara en arabe, fatara, hein? Et ces trois lettres signifient khalaqa, signifie de créer, mais également avec une petite nuance, c'est le fait que ça signifie de créer à partir de rien ou bien sans exemple précédent, sans modèle précédent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre sans aucun modèle précédent. Et il dit, il l'a innové, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a innové les cieux et la terre, comme il mentionne dans le verset بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بَدِيعُ, hein? Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, c'est-à-dire il les a innovés, c'est lui qui les a créés sans aucun modèle précédent ou aucun exemple semblable précédent, hein? Par sa puissance et par sa force, et il l'a créé, c'est-à-dire c'est lui qui a débuté, il a créé cette création, hein, en premier. Il a débuté cette création, et il dit dans la langue arabe, on dit comme le bédouin, il dit ce puits je l'ai créé avec ma main, c'est-à-dire c'est moi qui l'a creusé et personne ne l'avait creusé avant moi. C'est dans ce sens-là qu'on utilise le verbe fatara. Et une des sourates dans le Coran s'appelle sourate Fatir. Hein? C'est la sourate 35 dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il commence justement le verset en disant Alhamdulillah alladhi Alhamdulillah fatir as-samawati wal-ard. Hein? Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre sans exemple précédent ou sans modèle précédent. Ensuite il dit hanifan, al-hanif huwa al-ma'il 'an ash-shirk ila at-tawhid mutawajjih ila at-tawhid wa mu'rid 'an ash-shirk wa ahlihi. Donc le hanif, c'est celui qui penche du shirk vers le tawhid et qui se tourne vers le tawhid et qui se détourne du shirk et des gens qui font le shirk, hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il explique wama ana min al-mushrikin, il dit hadha min bab at-ta'kid inni bari'un mimma tushrikun hanifan wama ana min al-mushrikin kulluha ta'kidat. Il dit tout ça c'est des confirmations, hein, du désaveu vis-à-vis des mushrikines qui sont dans ces deux versets là, en commençant par la première parole qu'il dit, hein, je me désavoue de ce que vous faites comme shirk, et à la fin وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et je ne suis point du nombre des mushrikines. Tout ça c'est des confirmations du désaveu du shirk. Ensuite, il dit ونظائر هذه الآية في القرآن كثير كقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. OK, ça c'est les versets qu'on a lus tout à l'heure. Le premier c'est le verset 125 dans sourate An-Nisa. Le verset 125 dans sourate An-Nisa, et le cheikh il mentionne ce verset là après avoir dit c'est-à-dire le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, et d'autres exemples de versets semblables à ce verset dans le Coran sont nombreux, comme par exemple le verset 125 dans sourate An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage à Allah alors qu'il est bienfaisant, hein, qu'il adore Allah avec perfection, avec perfectionnement, et qui suit la religion d'Abraham en se tournant vers le tawhid et en se détournant du shirk, hein, en étant un hanif, et Allah a certes pris Ibrahim comme bien-aimé. Allah a certes pris Ibrahim comme bien-aimé. Et il dit le cheikh également le verset 22 dans sourate Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et quiconque soumet son visage à Allah alors qu'il est muhsin, hein, alors qu'il adore Allah en perfectionnant son adoration, en faisant en sorte que son action soit faite avec ihsan, c'est-à-dire il adore Allah de la meilleure manière, alors il s'est certes cramponné à l'anse la plus solide. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'il mentionne, il mentionne ces deux versets là et ensuite il explique le tafsir de Ibn Kathir. Il cite Ibn Kathir qui explique ce verset et il dit: وقال العماد ابن كثير رحمه الله في الآية يقول تعالى مخبرا عن من أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه ولهذا قال وهو محسن أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر وترك ما عنه زجر. Donc Imad, l'Imad c'est Ibn Kathir, parce qu'on l'appelle Imaduddin, ça c'est son surnom, Imaduddin, le pilier de la religion. Je pense que son nom c'est Ismail Ibn Kathir. Ok, il dit à propos de ces versets que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Il nous dit, en nous informant à propos de celui qui a soumis son visage à Allah, c'est-à-dire qui a purifié ses œuvres pour lui et qui a qui s'est soumis à ses ordres et qui a suivi sa révélation. Et c'est pour ça qu'il dit wa huwa muhsin, hein, alors qu'il est muhsin, c'est-à-dire qu'il fait preuve d'ihsan dans ses œuvres, hein, dans le fait de suivre ses ordres et dans le fait de délaisser ce qu'il a interdit de faire. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, à propos de ces versets, en premier, en parlant du verset 125, il dit « Aslama wajhahu ay niyatahu wa qasdahu lillahi azza wa jal » لا ينوي ولا يريد غير الله بأعماله لا رياء ولا سمعة وتجنب الشرك أكبره وأصغره هذا معنى إسلام الوجه لله عز وجل وهو الإخلاص لله في القول والعمل وهو محسن أي متبع للشرع غير مبتدع وكذلك متجنب للإصرار على الذنوب والمعاصي فلا يبقى على ذنب بل يتوب إلى الله. Donc ici le cheikh il mentionne que aslama wajhahu, ça veut dire celui qui a purifié son intention et son objectif pour que yani tout soit uniquement fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'autre intention et il ne veut rien d'autre par ses œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire d'ostentation dans ses actions, il ne va pas avoir d'ostentation dans ses actions, et il ne va pas non plus dire des paroles pour se faire entendre, hein, dans le but de parler ou de dire des choses pour obtenir des glorifications, hein, de la part des gens. Donc ar-riya, c'est par rapport à qu'est-ce qui est vu de nos œuvres, et c'est l'ostentation, et l'ostentation dans les actions, et as-sum'a, c'est l'ostentation dans les paroles. C'est ça la différence entre ar-riya et as-sum'a. Ar-riya, c'est par rapport à qu'est-ce qui est vu. Et as-sum'a, c'est par rapport à qu'est-ce qui est entendu. D'accord? Les deux sont à propos de l'ostentation, mais des différentes catégories. Et il dit, et qui s'est détourné de toute forme de shirk, que ce soit majeur ou mineur. Il dit, c'est ça la signification de Islam al-wajh lillah, de soumettre son visage à Allah seul. Donc c'est en réalité de faire preuve d'ikhlas envers Allah subhanahu wa ta'ala dans nos paroles et dans nos actions. C'est ça ikhlas al-wajh lillah. Et il dit wa huwa muhsin, et bien ça veut dire dans la façon de suivre la révélation. C'est-à-dire que tu vas suivre la révélation avec ihsan, c'est-à-dire sans faire d'innovation, et de même que tu vas t'écarter de toute persistance à commettre un péché ou des désobéissances. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire en sorte qu'il ne te reste plus de péché, parce que tu vas te repentir à Allah chaque fois que tu commets un péché. Et par rapport au verset suivant dans sourate Luqman, le verset 22, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Le sheikh il dit مِثْلُ الَّتِي قَبْلَهَا يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ يعني يخلص العمل لله وهو محسن أي يكون عمله موافقا للشرع وليس فيه بدع ومحدثات لأن الله لا يقبل إلا ما شرع سبحانه ولو حسن قصد الفاعل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc le cheikh il dit, et comme le verset précédent, celui qui purifie ou qui soumet son visage à Allah, c'est-à-dire qui purifie ses œuvres pour Allah seul, wa huwa muhsin, c'est-à-dire que ses actions seront en accord avec la sharia, avec la révélation, il n'y aura pas d'innovation ou de choses inventées dans ses œuvres et dans ses adorations, car Allah n'acceptera pas des actions excepté ce qui a été légiféré dans la révélation. Et il dit, si quelqu'un fait des actes innovés, des choses qui ont été inventées, eh bien Allah ne va pas les accepter, même si l'intention de la personne est bonne. Et il mentionne comme preuve à ce sujet-là le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre religion, eh bien cela sera rejeté. L'œuvre en question sera rejetée. Et en ce qui concerne le verset ensuite de ça, le Cheikh il dit wa hiya la ilaha illallah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, il dit le Cheikh que ça veut dire la ilaha illallah, parce que dans cette parole, dans ce verset, il y a deux parties. La première partie qui signifie la ilaha illallah, qui est à l'ikhlas. La première partie, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, ça c'est à l'ikhlas. Et la deuxième partie, وَهُوَ مُحْسِنٌ, ça c'est أي مُتَّبِعٌ لِلْرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُجْتَنِبٌ لِلْبِدَعِ. En réalité, c'est la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. La signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Ici, le Cheikh il a mentionné seulement la signification de la ilaha illallah, mais on comprend clairement que ce que le Cheikh ici il veut dire, c'est la signification de Muhammad Rasulullah, puisque le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'écarter des innovations, c'est le sens de Muhammad Rasulullah en réalité. Que Muhammad est le messager d'Allah. Et le verset précédent également, la même chose, parce que le verset 125 dans Surat An-Nisa, c'est presque la même formule. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Donc les deux, ils ont le même sens. Et le Cheikh, il explique ici ensuite. il dit وَعِمَادُ الدِّينِ هو لقب واسمه إسماعيل بن كثير ويكنى أبا الفداء. Donc la kunya de Ibn Kathir c'est Abu al-Fida. وهو من أئمة التفسير ومن أئمة المحدثين ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. Donc العماد c'est عماد الدين, c'est son surnom. Et son nom c'est إسماعيل بن كثير. Et sa kunya, c'est Abu al-Fida. Abu al-Fida. Et il fait partie des imams dans le tafsir, dans la science de l'interprétation du Coran, de même qu'il est parmi les savants du hadith. Il est aussi parmi les savants du hadith. Et il dit que son élève, il est l'élève de Ibn Taymiyyah. Il fait partie des élèves de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc Ibn Kathir il explique ce verset et on va s'arrêter à ça. On va expliquer l'explication qu'il a donnée, puis on va s'arrêter à ce point là par la suite. Donc le Cheikh il dit, Cheikh al-Fawzan il dit هذا معنى الإسلام والإحسان والإسلام يعني الإخلاص والإحسان يعني المتابعة وعدم الابتداع وكثير من الناس لا يروق لهم العمل بالسنة وإنما يروق لهم العمل بالبدع والمحدثات ولا يحرصون على السنة وإنما يحرصون على البدع ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه فتنة وهذا من الشيطان يريد أن يصدهم عن الحق فتجدهم يتسابقون إلى البدع المخترعة ويتناقلونها ويكتبونها ويوزعونها على الناس في نشرات أو في كتب يحرصون عليها حرصا. الشيطان يؤزرهم على ذلك بينما لا تجدهم يحرصون على السنن ولا يسألون عنها ولو عملوها فإنهم لا يعملون بها إلا بقصور وقلة وهذا من الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل البدع ينشطون في بدعهم والسبب شياطين الإنس والجن الذين يحثونهم ويقودونهم إلى هذه الأمور لأجل القضاء على السنة والشريعة بهذه الطريقة. Donc le Cheikh il dit que comme le Cheikh Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir rahimahullah, il a mentionné l'explication de du verset man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Il a expliqué que al-islam, le premier c'est l'islam, islam ul wajh, ça veut dire al-ikhlas, et il a expliqué que al-ihsan c'est à propos de al-mutaba'a, le suivi, hein, et de ne pas faire des innovations. Donc l'islam c'est de purifier la religion et de purifier nos œuvres et nos paroles pour qu'elles soient exclusivement pour Allah seul, donc c'est le tawhid. Et al-ihsan c'est al-mutaba'a, c'est le fait de s'écarter des innovations. Et il dit malheureusement beaucoup de gens ils n'ont pas d'intérêt pour la sunna et d'appliquer la sunna, ils n'ont d'intérêt que pour appliquer des innovations et des choses inventées, et ils ne font pas d'efforts pour la sunna, ils ne font des efforts que dans la bid'ah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il dit ça c'est une fitna en réalité, et ça c'est le shaitan en réalité qui veut obstruer les gens du chemin de la vérité. Et donc tu vois qu'ils se font des courses les uns les autres pour essayer d'inventer des bid'ah ou bien de faire des bid'ah qui sont inventées, et ils se transmettent les uns aux autres ces innovations là et ils les écrivent et ils les propagent, hein, aux gens dans des écrits, dans des pamphlets ou dans des dépliants, des brochures ou toutes sortes de choses qu'ils utilisent pour essayer de propager la bid'ah, et dans des livres également. Ils font beaucoup d'efforts pour transmettre ces choses-là. Et il dit, et le shaitan les encourage à faire ça. Il les excite, hein, à faire ça. Alors que tu ne les trouves pas faire autant d'efforts pour propager la sunna. Et ils ne posent pas de questions à propos de la sunna. Et il dit même, lorsqu'ils appliquent une sunna quelconque, ils ne le font qu'avec beaucoup de manquements et en très petite quantité. Et donc, il dit le cheikh que ça vient du shaitan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il dit, donc les gens de la bid'ah, ils ne se motivent, ils ne sont motivés que pour leurs innovations qu'ils ont inventées. Et la raison de ça, c'est parce que les diables, parmi les hommes et parmi les djinns, incitent ces gens-là et les conduisent, hein, dans ces choses-là. C'est eux qui les dirigent dans ces choses-là, dans le but d'enrayer la sunna et la sharia par cette méthode, hein. Donc c'est ça le danger des innovations. Quand les gens, les ulama des salafs, ils ont dit, lorsque quelqu'un invente une bid'ah, c'est comme s'il a fait mourir une sunna. Pourquoi? Parce que les gens qui ont inventé cette bid'ah et les gens qui commencent à pratiquer cette bid'ah, eh bien ça veut dire qu'ils vont cesser de pratiquer une sunna. Hein? Lorsqu'ils pratiquent cette bid'ah, ils vont arrêter de pratiquer une sunna. Donc ça fait partie des dangers de pratiquer des innovations. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, bi'idhnillah. On continuera la suite la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.